Au sport, pour le 14 novembre. Dans la Ligue de basketball Benjamin masculin Division 3, Louis-Saint-Laurent rencontrera l'école du Triolet à l'école du Triolet à 18h15. Pour le 15 novembre, au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Offord de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Turmel au centre sportif de Lac-Mégantic à 15h30. L'équipe Pee-Wee A visite Thibault GM Sherbrooke à l'aréna Eugène Lalonde à 15h. L'équipe Pee-Wee B visite Frontalier 1 à Aquaticook à 14h45. L'équipe Midget A est à Lac-Mégantic pour rencontrer Turmel à 19h30. L'équipe Midget B affronte Club Piscine Sherbrooke à l'aréna Eugène Lalonde. Pour le 16 novembre. Au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Offord Saint-François. L'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François visite Métro Brunel-Val-Saint-François à Windsor à 11h. L'équipe Atome B est à Fleurimont pour affronter Thibault GM Sherbrooke à midi. L'équipe Pee-Wee A rencontre Club Piscine Sherbrooke à l'aréna Eugène Lalonde à 16h30. L'équipe Pee-Wee B est également à l'aréna Eugène Lalonde pour se mesurer au Rapide de Sherbrooke à 15h15. Et l'équipe Bantam A visite les Jets Frontières à Stansted à 16h30.